94 de Service Compris. L'émission qui vous réveille sur Fadjet. L'émission qui vous réveille, c'est la matinale de 18h. Bonjour aux auditeurs, bonjour pour cette première émission au monde, en France, et c'est sur Fadjet de la matinale de 18h. La matinale de 18h, on vous prévient tout de suite, c'est un ton complètement décalé. C'est à moitié de l'impro, à moitié écrit, et c'est avec James. James, comment tu vas ? Ouais, salut, moi ça va très bien. Et ça, c'est de l'impro total, ce que je suis en train de dire. Ok, ça marche. Tu vas nous... Alors, juste pour donner un petit peu envie aux auditeurs d'être avec nous, là, ouais, toute cette ouais, matinée de 18h à 19h, tu vas nous parler de quoi ? Tu vas faire des chroniques sur quoi ? Globalement sur plein de choses, sur la Nouvelle-Calédonie, on partira un peu le loin, référendum de la Nouvelle-Calédonie. Loin de la France, on partira aux compétitions de H, beaucoup de H, oui, et on parlera d'horoscope. Très bien. Salut Jocelyn, comment tu vas ? Salut, salut. Le réveil était pas trop dur pour 18h ? Plutôt compliqué, mais en même temps, c'est le travail, donc on est là. C'est le problème de se coucher à 7h du matin. C'est le premier problème, c'est vrai. Et voilà, oui, effectivement. Tu vas nous parler de quoi ? Alors, je risque de parler des moniteurs Philips, également de la randonnée en basse montagne et du nouvel animal découvert en Jamaïque. Eh ben, sans plus tarder, on va lancer le premier flash info de cette matinale de 18h. C'est parti. Il est 18h30, c'est le journal présenté par Bibi James. Ah non, c'est pas James, je sais pas comment t'appelleras. Bon, peu importe. James et Jocelyn, nous commençons par les informations nationales et international. La France se classe 3e au championnat d'Europe de biathlon à la hache. Un résultat historique pour le clan tricolore. Les Français réussissent l'exploit de monter sur le podium derrière les Russes et les favoris américains grâce à des performances exceptionnelles en combiné par équipe, ainsi qu'un sans faute de la part du numéro 1 français Patrick Tranchant dans l'épreuve artistique. Plusieurs témoignages indiquent avoir aperçu Xavier Dupont de Ligonnès déguisé en Père Noël, des gardes à vue par milliers dans le pays. 2889 interpellations ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Ce coup de filet fait suite à un appel anonyme indiquant que l'homme le plus recherché de France serait déguisé dans un costume donc de Père Noël. Les auditions ont encore lieu en ce moment même et le ministre de l'Intérieur s'est déclaré confiant pour que le vrai Père Noël, lui, soit relâché d'ici le 24 au soir. Et enfin, une usine de cure-dents clandestine démantelée, c'est une première en France. En effet, c'est dans la petite ville de Dijon, dans une petite ville non loin de Dijon, que les autorités ont saisi pas moins de 71 tonnes de cure-dents prêts à envahir le marché noir fleurissant de l'hygiène bucco-dentaire. Les instigateurs de cette opération gigantesque, deux hommes d'affaires d'origine kurde, ont été mis en examen pour trafic en bande organisée. C'est donc probablement la fin pour l'industrie du cure-dent kurde. Merci, on passe tout de suite aux informations locales. Information locale. Le variant Picon fait des ravages dans les Vosges. En effet, on aurait trouvé de forts taux de ce variant dans le département des Vosges, avec comme premier symptôme un nez rouge et une addiction virulente aux picombières. En raison des conditions sanitaires, la prochaine saison de Koh-Lanta sera tournée en Meuse. C'est ce qu'a indiqué en effet Denis Brognard hier lors d'une interview en expliquant ce choix par la volonté de ne vouloir déranger personne. Donc Meuse en train. Peut-être aussi par rapport à ce scandale qu'il y a pu avoir à Koh-Lanta où il n'y a pas eu de vainqueur cette année. En effet, donc c'est la sanction. C'est une des nombreuses sanctions. Et enfin, René Mougenot dit néné est mort hier à l'EHPAD de Coincourt. Oui, oui, nous en avions parlé la semaine dernière. Néné faisait la grève de la faim pour qu'il y ait du papier triple épaisseur plutôt que du double. Il n'aura donc pas eu gain de cause. L'EHPAD se justifie par un manque de budget. Merci pour ce Flash Info. On se retrouve pour le prochain Flash Info à 18h30. Mais tout de suite, son flash à la... Pas le flash, place à la météo. Une météo savoyarde, je crois, Jocelyn. Alors, oui et non, on est sur un temps plutôt maussade hein, sur les hauteurs, avec quelques chutes de verre feront le glas de la soirée. Pour demain, ouais, les températures allant de 2 à 30 degrés sont attendues en France. Elles pourront être attendues plus ou moins longtemps, malheureusement. Très bien, merci. Merci pour ce flash info. Nous sommes un lundi 16 décembre 2033. Ça sera... comment tu t'appelles là-dessus ? Faut que je me prépare les noms. Sur les fermes. Ah bah James, on a du oui. James. Hein. Ça sera non, James qui nous présentera l'éphéméride, mais avant... Donna Summer, Bad Girls, à tout de suite. L'éphéméride, nous sommes un jeudi 16 décembre et nous fêtons les... Les Alice aujourd'hui, donc on est à Sainte-Alice, bonne fête à tous les trains à grande vitesse belge. Très bien, l'événement marquant de ce... qui sont arrivés un 16 décembre. Alors dans l'histoire, il y a eu beaucoup de 16 décembre, mais en tout cas en 1582, savez-vous Tristan, qu'il n'y a pas eu de 16 décembre? Mais non. Et non, il y a eu un changement de calendrier. Alors pouvez-vous nous expliquer? En fait, on a adopté le calendrier grégorien et du coup on est passé directement du 15 au 17. On est d'accord? Du 14 au 18, je ne sais pas. Calendrier grégorien vient des Vosges, de la Vologne. Exactement, et c'est un dénommé Grégoire qui l'a mis en place. Très bien. Dans l'histoire aussi, un petit peu d'histoire, un petit peu de Prusse, Frédéric II de Prusse qui envahit la Silésie en 1740. Hein, voilà, on n'y pense pas assez, c'est vrai. On n'y pense pas assez. En 1946, Léon Blum devient président du Conseil. Et en 2001, j'ai personnellement subi un râteau par Aurélie Geoffroy en 4e 8 pendant un cours de SVT. C'était au collège d'Enfer Rochereau. Parce que ça sera notre invité la semaine prochaine, Aurélie Geoffroy. Ah bah oui. Elle pourrait nous parler un petit peu du comment. Oui. Merci d'agrémenter mes questions. Je sais déjà quelles sont les questions que je vais pouvoir poser. Peut-être des naissances, si vous avez fini sur les événements. Bah oui, du coup, les naissances. Bon, bah, Léopold Ier, Catherine Jacob. Mais c'est surtout et aussi la naissance de ma haine pour les cours de SVT, puisque c'est parce que c'est ce jour-là que j'ai vraiment détesté les cours de SVT. D'accord, très bien. À cet incident en 2001. Je pense que là, on a un dossier, mais qu'on ne peut pas évoquer tout de suite. On va tout de suite passer au dicton du jour. Le dicton du jour, du coup, c'est « S'il pleut à la Sainte-Alice, c'est souvent comme vache qui pisse. » Et que ça glisse. Merci pour cette éphéméride. Tellement de choses qui se sont passées un 16 décembre. Et je crois que c'est votre collègue Serge Derlich qui va vous succéder à la barre, mon cher James, pour attaquer l'horoscope. Mais avant tout ça, Donna Summer. À tout de suite pour la suite. De service compris, la matinale de Fadjet. C'était Donna Summer, Bad Girls, et tout de suite l'horoscope. L'horoscope, c'est Serge. Bon, comment il s'appelle ? Serge Derlich, pardon. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte qu'on avait oublié le fil rouge. On va appeler notre fil rouge juste après. Serge Derlich, bonjour. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler d'un signe en particulier aujourd'hui, absolument, je crois. C'est le signe qui est à l'honneur en ce moment, les Sagittaires. Les Sagittaires, effectivement, nous sommes en décembre. Et voilà, nous sommes en décembre et il se trouve que Mercure est en Bélier, que c'est un signe que je devine de prospérité, donc la journée... Vous êtes très chiant là. Ah, excusez-moi, mais je sais pas si vous c'était pour vous dire, compte. En tout cas, la journée d'un Sagittaire sera sous le signe de la prospérité, du bonheur et de la surprise. PBS. Très bien, bah, je crois que nous allons appeler un auditeur sagittaire parce que la chance que l'on a sur le site Fatjet, c'est que vous pouvez laisser votre signe zodiacal. Et donc, nous avons Régis. Régis, bonjour. Bonjour. Je vous laisse parler, dire le mot que vous aviez peut-être à annoncer à Serge Derlich. Bonjour Serge, je voulais vous dire que je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Pour moi, c'est... cette tristesse aujourd'hui. Prospérité de rien du tout, monsieur, vous êtes un charlatan. Monsieur, je ne me trompe pas, vous nous appelez de La Rochelle. Oui, j'ai pied à terre à La Rochelle, oui. D'accord. Vous avez eu un événement récent dans votre vie, si je ne m'abuse, un événement tragique, c'est bien ça qui vous rend triste. Oui, ma mère est morte. Ah, votre mère est morte. C'est sa mère qui est morte ou c'est la marmotte? Je ne sais pas, je crois pas avoir tout compris. Ma mère est morte, monsieur. La marmotte, oui. Là, je marmotte. Non, je l'avais senti, senti. Écoutez, monsieur, si je ne m'abuse, devant vous, vous avez une étagère avec une photo de cette dame, de cette défunte mère. Oui. Je vais vous demander de prendre cette photo et de briser la glace et de regarder derrière cette photo. Oh, un instant. Est-ce que vous voyez une inscription sur cette photo? Oui, je vous la lis. Bah écoutez, oui, lisez-la. À toi mon fils, je te laisse le... Il y a un code dessus. Oui, voilà, c'est un code, monsieur, pour la prospérité. Vous voyez, vous avez aujourd'hui 5 millions, elle me l'a. Et voilà. Comment Serge Derlich, vous êtes formidable. Écoutez, vous savez, l'astrologie peut mentir, mais moi, je ne mens jamais. Mes prédictions se révèlent toujours. Prospérité, bonheur et surprise, c'est ce que je vous souhaite, mon cher monsieur. C'est tellement fort. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, tellement c'est fort. Et on va s'écouter Donna Summer pour pouvoir se remettre. Ah, mais avant, le fil rouge, puisque nous avons... Oui. Serge Fula. Alors, attendez, vous êtes... là, on suit l'actualité de près avec Fatjet. Oui, oui. Vous êtes exactement en Nouvelle-Calédonie pour suivre l'évolution de ce troisième référendum sur l'indépendance, la question de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est ça. Je viens d'arriver à Nouméa. Alors, je suis, pour tout vous dire, je suis à l'hôtel Resort Paradise de Nouméa. Je dois vous dire, je suis très, très bien accueilli. Fatjet a vraiment mis les moyens. Ma chambre est excellente. Alors, si vous voulez, j'ai une vue sur la mer qui est imprenable. Je peux vous l'envoyer par SMS si vous voulez, Tristan. Peut-être. J'aimerais plutôt que vous nous disiez quelle est l'atmosphère les Kanaks et. Alors c'est très très chaleureux. Je sais que j'ai croisé un Kanak à l'entrée. Il m'a proposé directement un petit cocktail. C'était vraiment sympathique. Je ne parlais pas de cette atmosphère, Serge. Je parlais vraiment de l'atmosphère, la tension qui est palpable qui peut y avoir par rapport à cet enjeu. Oui. Ah oui, effectivement. Oui. J'ai senti une tension. Je leur ai demandé si la piscine disposait de vestiaires pour mettre ses affaires, parce que moi je n'aime pas du tout aller me baigner. Oui, merci Serge, mais on va refaire un point pendant Donna Summer et on se retrouve juste après pour le journal et en même temps on reviendra vers vous. Je vais finir mon cocktail moi. Oui, très bien, merci. 94.2, service compris. La matinale de Fadjet. Et voilà, le bed invité. Bonjour, bonjour, rebonjour. Oui. Et voilà l'arrivée de notre invité, DJ Caraïbe. DJ Caraïbe, bonjour, comment allez-vous? Ça va, et vous? Très bien, merci. Je vous laisse tout de suite entre les mains de Laurent Yollet par rapport à votre dernier CD, votre dernier album. Ouais, merci Tristan, bonjour à tous, et puis bonjour DJ Caraïbe. Bonjour. Je vais pas te mentir, c'est vraiment un honneur de te recevoir ici. Comment on te présente le plus grand DJ de France actuel, on peut le dire, de France et des Dom Tom? C'est vraiment très gentil. C'est vrai que c'est bon. Ça a pas mal marché pour moi ces derniers moments, mais ça marche très très bien. Là, ton nouveau titre qui s'appelle Profond Sentiment, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, c'est vraiment exceptionnel de l'entendre. Et c'est vrai que c'est un carton immense en ce moment. C'est vrai. Moi voulant sortir un truc conceptuel, quelque chose un petit peu plus profond que d'habitude. Ouais, c'est vrai que l'audience est au rendez-vous et que on peut l'écouter. Si c'est au niveau programmation, c'est bon. On l'écoute, tu l'as mis deux fois, c'est vraiment magnifique. Je vais pas te mentir, moi quand je l'ai écouté, ça m'a fait quelque chose que j'avais jamais ressenti personnellement, tu vois. Ça fait vraiment découvrir des sentiments profonds, et c'est là qu'on comprend tout de suite ce que c'est le son. Ça vient chercher au plus profond de son être. Après, c'est l'intérêt de ce morceau. Pour moi, c'est vraiment libérer l'humain, libérer la crime. Je propose qu'on le réécoute en coup. Oui, bien sûr. Là, c'est la deuxième écoute vraiment qu'on sent que. Ouais, c'est vrai. Je sais pas ce que t'en penses, Tristan, mais moi, personnellement. Moi, personnellement, je me le passe en boucle quand je viens à la radio, et ça me met une pêche. C'est assez hallucinant. Si vous voulez, en fait, c'est à la fois un morceau d'introspection et d'extrospection, j'ai l'impression. On est sur une bitrospection. Il y a l'intro, l'extro. Exactement. C'est vraiment magnifique. Alors, on va peut-être parler un petit peu de ton identité personnelle, de là où tu viens. Donc toi, on est d'accord, t'es de la région, en fait. C'est aussi pour ça que tu nous fais l'honneur de venir à Fadjet. Je suis juste à côté, vraiment de côté de maison. Et j'imagine que c'est pour ça que tu t'appelles DJ Caraïbe, hein. Évidemment. Parce que moi, en fait, j'habitais juste à côté d'un hammam spa typique Caraïbe. J'adorais le concept. En tout cas, très humain vis-à-vis de ton succès. Je m'attendais à quelqu'un qui est beaucoup plus, qui a beaucoup plus une grosse tête. Mais toi, c'est vraiment. Ça s'entend dans mes sons. J'ai envie de le dire, c'est que on reste humain tous autant qu'on est, et que voilà, c'est moi, je tends la main. Tu vas me dire si je me trompe, mais j'ai entendu dire que Justin Bieber voulait faire un son avec toi. C'est la rumeur qui court. Alors, je sais pas si. Je peux pas en dire trop. Tu veux pas donner les chiffres, je sens qu'il y a des dossiers là. Peut-être. Tristan, on a un peut-être. Peut-être qu'on parle. C'est déjà bien. C'est vraiment un honneur de t'avoir. On va peut-être écouter une dernière fois le son. Un petit plaisir. C'est pour moi, celle-là. Quel bonheur. En tout cas, merci DJ Caraïbe. Merci à vous les gars, vous êtes top de top. À la fois pour être venu et pour être ce que t'es, en fait, tout simplement. Clairement, et merci. Restez vous-même, c'est sur ça que je suis. Wow. Okay, merci beaucoup. Merci. Obligé d'abréger, désolé, avant que vous repreniez votre jet pour Carcassonne. Et parce que c'est l'heure du journal. Mais avant ça, Donna Summer, et on se retrouve tout de suite après pour le deuxième Flash Info du journal. Allez, bisous. We'll be right back. Donna Summer. Bad Girls. Le temps que je trouve le... Hop là. 94 de service compris. La matinale de Fadjet. Il est 18h30, c'est le journal présenté par Bibi James et Jocelyn. On commence tout de suite par les informations nationales et internationales de cette matinale de 18h, avec encore un mort au championnat d'Europe de triathlon à la hache, James. Oui, la fête aura été de courte durée pour la Fédération française de hache, puisque c'est seulement 2 heures après le triomphe de Patrick Tranchant au biathlon à la hache, discipline artistique, que celui-ci s'est rendu coupable d'un jet de hache malencontreux sur le triathlète hachiste moldave et numéro 1 mondial Alexei Tranchov. Ce dernier est mort des suites de ses blessures, non sans améliorer son corps du monde, juste avant son décès. On passe tout de suite en Allemagne avec Angela Merkel. Oui, Angela Merkel qui va se présenter aux élections présidentielles en France, James. Ich bin ein Kandidat, c'est ce qu'a déclaré la chancelière allemande, qui a par ailleurs affirmé vouloir briller la candidature suprême de chacun des pays de l'Union européenne. Sa candidature en France compte déjà de nombreux soutiens, parmi lesquels François Hollande, David Douillet ou encore le rappeur Damso. Le but étant de d'agmasser le plus de mandats possible. Exactement. Et on la comprend. Et enfin, Jeff Bezos, le patron, s'il en est, de Amazon, a embauché une candidate après lui avoir posé 2 questions. 2 questions et 41 secondes, c'est le temps qu'il faut désormais pour être recruté par le géant américain Amazon. Cette nouvelle méthode de recrutement, inventée par le milliardaire lui-même, repose sur 2 simples questions et permettrait de déterminer avec une certitude de 99,6% si une personne est adaptée à son poste. Malheureusement, notre service info et la rédaction n'a pas réussi à se procurer les 2 questions. Ah, c'est dommage, ouais, j'aurais tellement voulu. Très bien, merci pour ces informations nationales et internationales. On passe tout de suite avec Jocelyn pour les informations locales. Information locale, Miss Saint-Ouen se présente le crâne rasé au concours de Miss Franchouille et fait des émules, Jocelyn. Une rixe aurait même éclaté entre les pro-cheveux et les franchouillards. Miss Saint-Ouen aura fait parler d'elle, ça c'est sûr, si bien qu'elle fut repérée pour jouer la nouvelle Madame Propre. Madame Propre, c'est pas forcément peut-être ce qu'elle recherchait, mais c'est une très belle carrière en perspective. Et j'en suis sûr. Pour Miss Saint-Ouen. On passe tout de suite à Nancy avec le tram de Nancy, qui va être remplacé, on le sait, hein, le tram doit être remplacé bientôt par une tyrolienne au départ de Brabois. Et oui, les Brabinois ont le sourire aux lèvres depuis le temps qu'ils l'attendaient. Ça y est, la tyrolienne promise par le maire sera installée début 2022 avant de remplacer le tram. La question que tout le monde se pose, c'est comment remonter. Effectivement, et attention, par souci de parité, les Bramimois et les Bramimoises. Également, excusez-moi. Bien sûr, hein. Oui, non, il n'y a pas de souci. Une pétition recueille de plus en plus de signatures pour changer l'index tendu de la statue Stanislas par le majeur. Et oui, depuis la célèbre chanson « Lève le majeur Stan » des Bratislava Boys, la polémique est lancée et une pétition recueillant près de 60 000 signatures a été déposée ce matin sur le bureau du maire. Très bien, merci pour ce dernier flash info. On se passe tout de suite à la météo. Il fera... Ah. Pardon, attendez, le bed est un peu long et moi je suis chaud. J'adore profiter de cette musique tadam, de manière à passer à la météo. Et on en a parlé dessus, putain. Il fera, vous disiez. Il fera très très beau ce soir, une fois la nuit tombée. Si vous plissez les yeux, vous pourrez peut-être sans doute apercevoir le Mistral caressant vos mirettes. Mais une fois n'est pas coutume, couvrez-vous tout de même ce soir, car l'hiver ne dure pas qu'une nuit. Alors Jocelyn, je profite. Comment plissez-vous les yeux? Parce que beaucoup d'auditeurs vous écoutent, ouais, avec vraiment beaucoup d'envie. De ferveur. Mais même, techniquement, n'arrive pas forcément à suivre vos conseils. Mais en fait, c'est très très simple. Il suffit de rapprocher ces deux paupières. Alors écoutez bien, oui. On rapproche ces deux paupières. C'est ça. De manière centrale. Non. Équinoxe. Mais équinoxe. D'accord. Okay. Et en fait, si normalement, je peux me permettre, il suffit de faire comme ça. Ah oui. Oui. Ah oui, effectivement. Ah oui, non, c'est beaucoup, là, c'est beaucoup là, plus visuel, c'est vrai. Je me permets. Et c'est beaucoup plus explicite pour nos auditeurs. Vous avez raison. Voilà. Oui. Bah écoutez. Non, c'est pour moi, il a tout dit. Très bien. Ben écoutez, partons là-dessus. Merci pour cette météo. Météo et tout de suite, on va s'écouter Donna Summer de passer au jeu auditeur avec le Kaba Fadjet à gagner, bien sûr. Donna Summer, à tout de suite pour le Kaba. Let's go. Donna Summer, Bad Girls. 94 de service compris. La matinale de Fadjet. Et parce que Fadjet vous offre plein de cadeaux et appelle des fois des auditeurs, nous avons le fameux Kaba de Fadjet à gagner. Sans plus tarder, nous appelons un auditeur. Et je crois que vous êtes à l'antenne. Bonjour. Bonjour Jocelyn, est-ce que vous savez qui vous appelle ? C'est Fadjet Radio ? Oui, c'est Fadjet Radio. Bravo ! Bravo, bravo. Wow. Je prévois des applaudissements d'ailleurs. C'est Fadjet Radio. Ouais, c'est Fadjet, ouais, vas-y. Je crois qu'il y a du monde avec vous. C'est qui est avec vous ? Oui, c'est ma femme. Viens, dis bonjour au téléphone. Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment ? Monique, je sens une pointe de stress dans votre voix, Monique. C'est rigolo. Vous n'y tiendez pas du tout à ce que Fadjet vous appelle. Je suis un grand fan de l'émission. C'est impeccable. Alors, si vous êtes une grande fan de l'émission, vous savez exactement ce qu'il y a dans le Kaba, Fadjet. On a bossé avec Monique. Alors. Dans le Kaba, on commence tout de suite par. Il y avait une machine à laver 7,5 litres. Oui, tout à fait. Oui, et. Une perruque afro déjà utilisée. Une perruque afro déjà utilisée. Une perruque afro déjà utilisée. Ouais. Oui, de Mamanou Diam. La boîte de cassoulet, t'as dit la boîte de cassoulet. Oui, une boîte de cassoulet. Oui, alors attention parce que... Périmé. Alors, périmé, mais attention parce que nous avons des sponsors. De quelle marque? Oh, Monique. C'est William Sorin. C'est William Sorin, effectivement. Yes, je t'aime. Voilà. Et la dernière chose... Oh là, si vous avez écouté l'émission d'hier... Oui, comment oublier la double véranda porte coulissante. La double véranda porte coulissante, je cherche les applaudissements, mais je ne les ai pas. Comment on écrit applause? Ah, peut-être. On a gagné. Je sais pas si on a gagné. Voilà. Alors attendez, vous allez savoir si vous avez gagné. Et c'est gagné. Vous avez gagné le Kaba avec, dans le Kaba, vous aviez la machine à laver, vous aviez la boîte périmée de William Sasai, vous aviez aussi, le dernier truc, c'est quoi déjà? Une véranda double. Une véranda double, et comment bravo. Comment la coupe afro? Ça vous fait plaisir? Oui, moi je pense que ça me fait plaisir. Et Monique, comment tu réagis? C'est grand bonheur. Écoutez, je vous laisse. Vous allez tomber dans les mains de... On vous embrasse. Oui. Et merci. Gros bisous, Fadjet. Oh oui, vous allez tomber dans les mains de Gisèle qui va voir avec vous pour l'adresse et puis pour vous remettre les cadeaux. On passe tout de suite au fil rouge, puisque nous avons Serge Fula qui est encore en Nouvelle-Calédonie. Je rappelle pour les auditeurs qui nous rejoignent à l'instant que vous êtes envoyé spécial de Fadjet en Nouvelle-Calédonie pour savoir où en est ce troisième référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Oui, voilà, j'ai fait... pour le coup, j'ai fait du travail de terrain. Hein, j'ai dégoté un local, hein, un canac, pour lui demander un petit peu son sentiment. Hein, donc, ouais. je suis avec... Yes. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'indépendance, cher monsieur? On vous écoute. Pardon. De l'indépendance. Vous êtes avec qui là? Vous êtes avec qui, Serge? Serge. Oui, c'est bien. Et vous m'avez apporté ma bière? Non. Alors oui, ok, d'accord. Serge, vous êtes au bar? Oui. Serge, vous êtes au bar? Oui. Alors. Serge, vous êtes au bar? Non, oui, mais c'est un. Il est local, hein. C'est un local, hein. Monsieur, c'est ça un fera 7,50, s'il vous plaît. Bon, oui, Serge, vous êtes payé. Mettez-le sur ma note. Vous êtes payé pour aller sur un budget énorme de Fadjet pour aller en Nouvelle-Calédonie. Oui. Et là, vous êtes au bar en train de vous siffler des pina coladas. Oui, non. Désolé, c'est inadmissible. Je n'aime pas le rhum, donc ce n'est pas des pina coladas. Mais je vous assure, c'est un travail de terrain là que je fais. C'est du journalisme. On va passer directement notre émission phare de Fadjet, les grosses fesses. Et tout de suite après. On se retrouvera, mais on va faire un petit point off. Merci. Mais avant tout, Donna Summer, Bad Girls. Yeah. Donna Summer, Bad Girls. 94 de service compris. La matinale de Fadjet. 94 de service compris. Les anecdotes de Rodolphe. Et c'est la chronique Les Grosses Fesses, la fameuse, l'émission phare de Fadjet, s'il en est, Les Grosses Fesses. Bonjour et merci d'être avec nous, très bonjour. Chers auditeurs. Salut, merci de votre fidélité. Salut Tristan, salut. Nous bonjour, avons bonjour. Ici autour de cette table Laurent Yollet. Laurent Yollet, comment ça va? Ah bah très bien, après l'interview qu'on a vue tout à l'heure, ouais. Le bonheur, le grand bonheur. De DJ Caraïbes. Ouais. Et Christophe Casanova, le monsieur immobilier. Et de oui, Fadjet. Casanova, c'est moi, oui. Les agences Casanova Immobilier. Ça va, Ça va, oui. Bah, je suis très, très, très, très, très, très, très heureux de jouer à ce jeu, Les Grosses Fesses, comme vous dites. Enfin, bon. C'est vrai. C'est que du bonheur, vrai, c'est ce que je dis toujours. Ouais, c'est de la joie. Christophe, c'est quoi votre actualité du moment actuellement? Une villa de superficie, 270 mètres carrés avec vue sur la mer et une indépendance dans le jardin. Depuis Jarville, c'est ça qui est fort. J'achète, Tristan. J'achète. C'est vrai que c'est le slogan de Immobilier Casanova, j'achète. J'achète, ouais. Voilà, c'est excellent, j'adore, voilà. J'adore. Et comment arrivez-vous à expliquer aux gens que depuis Jarville, on puisse voir la mer? Alors, on va monter sur une structure qui est vraiment très, très haute dans les montagnes. Hein. On est très, très belle vue. Montagne de Jarville, Jarville intramuros, ça possède une très, très belle montagne. Ouais, donc, la villa est dessus, oui. Allez, sans plus attendre, on va partir sur les citations avec une première citation. Qui a dit à Montréal « Je vous ai compris » Attention, il y a un piège. Ah. S'il n'y avait pas de piège, j'aurais dit Gad Elmaleh, moi. La première idée, c'était Gad Elmaleh, tu vois. Ah, mais vous me connaissez. Là, je suis taquin. Ah, il y a un piège, du coup, il y a un piège. Alors non, ce n'est pas un piège. Ce n'est pas Guillaume Elmaleh. Non, ce n'est pas lui. Est-ce que ce ne serait pas Espagne-Gal? Mais oui, ah oui, c'est Espagne-Gal. Ah ouais, bonne réponse, bonne réponse de Christophe Casanova. J'avais entendu. Comment savez-vous que c'est... c'est très fort, c'est très elle fort. La salle est en délire. Ouais. Mais comment? Alors, parce que je veux dire, vous êtes con comme la lune et vous arrivez à trouver cette réponse-là. J'avais vu passer un tweet, tout simplement. On ne parle pas de la barre céréale, hein. Ah si, vous avez passé un tweet et vous avez pensé à ça. Il y avait écrit Espagne-Gal. Eh ouais, très bien. Mais effectivement, c'est tout à fait ça. Eh ben écoutez, tout de suite, une autre citation. Non, pas une citation, mais justement, on va parler politique. Parce que vous savez qu'Angela Merkel doit se présenter aux présidentielles françaises, notamment présidentielles françaises. Mais quelle va être sa vie professionnelle si des fois elle n'est pas élue présidente de la France? Ouh la colle. Alors là, Tristan, pas facile, hein. Pas facile du tout. Moi, je sèche. Hein. Je sais, parce que j'avais lu un petit article comme ça qui était passé, qu'elle était dans la plomberie. Alors, c'est justement cet article-là. Allez-y. Alors, vous êtes moi, j'avais cru comprendre qu'elle allait se lancer dans la plomberie chauffagisme. Voilà. Et qu'on lui avait dit qu'elle allait pas résoudre le problème du chauffage. C'était un jeu de mots, quoi. Et c'est marrant parce que Christophe, quand vous avez dit oh la colle, je pensais que vous faisiez une boutade et que vous aviez la réponse. Parce qu'on est vraiment sur de la colle en plomberie. Ça aurait été le génie. Alors que non, il l'avait pas, il est con comme la lune. C'est vrai, vous n'avez rien, j'avais rien du tout. Vous n'avez rien, effectivement. Angela Merkel va. Je l'appelle pour les travaux, moi, disons. Va se mettre. Ah, bah oui, dans l'entreprise, là, ça va tourner. Hein. Tout à fait, va se mettre dans la colle, dans la plomberie. Ce n'est pas une vanne, c'est vraiment ce qui ressort. Effectivement, vous parliez de ce journal, de ce petit article dans le journal La Fièvre du samedi soir. Ouais, et effectivement, c'est une information de ce service AFP de La Fièvre du samedi soir. C'est oui, Christophe. J'avais une proposition. De slogan, c'était Angela Merkel. Apprendre ou à laisser. Hein. Ah, celle-ci, ouais, excellent. Génial. J'adore, super ambiance. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous, Christophe. Quelle est votre actualité, Christophe? la villa s'est vendue, donc je n'ai plus rien. Ah, merci. Et j'avais dit j'achète, hein. J'avais dit j'achète. Et je vous ai fait un prénom. Ben voilà. Super sympa. C'est super. Sympa, merci Laurent, d'avoir acheté la maison de Christophe. Merci à toi, Tristan. Laurent, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. Ouais, nouvel invité, Guillaume Musset, qui viendra nous présenter son dernier album, le dernier livre illustré. Très bien. Merci beaucoup. Fin de cette émission, les grosses fesses de Fadjet. Tout de suite, c'est l'invité politique du jour. On vous en parle vraiment de manière impatiente puisqu'on attend cet invité qui est un petit peu en retard, qui est dans les bouchons de la rue Saint-Nicolas et qui, en attendant, nous allons écouter Fadjet. Oh, Fadjet, Donna Summer, Bad Girls. C'était Donna Summer avec un petit problème technique. 94.2, service compris. La matinale de Fadjet. L'émission approche à sa fin et pour la fin de l'émission, c'est bien évidemment le moment phare de cette journée avec l'invité politique. L'invité politique qui va nous être présenté par notre animateur chronique Joris Maillet. Joris Maillet, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, je crois que notre invité politique arrive. Bonjour. Clément Bichateau. Clément Bichateau, on vous laisse vous installer. Ah. Voilà, bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Ah, bah, très bien, très, oui, bien. Oh très là bien. Là, c'est vraiment beau. Ouais, studio, oui, parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Ah, merci. Bonjour, ouais, monsieur Clément bien. Bichateau. On ne vous présente plus PDG dans l'industrie verte. Mais tout de suite, je laisse la parole à Joris Maillet qui a beaucoup de questions à vous poser. En effet, monsieur Bichateau, j'ai quelques questions à vous poser. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots un peu ce que vous faites, par exemple ? Alors, voilà, donc nous, moi je suis PDG de la société Green and Technologies, qui est en fait spécialisée dans un business vert, un business écologique et éco-responsable. Nous faisons des porte-gobelets écologiques pour les SUV allemands. Ah oui, donc très très bien. Donc on est sur un produit qui va être en devenir une nécessité. C'est une absolue nécessité, c'est une révolution, sans vouloir inventer les mérites de mon petit business. Je vois que vous avez l'éco-label, on est sur quelque chose qui va être, qui est certifié par l'Union Européenne, ou alors vous avez si vous voulez, j'ai payé assez cher pour l'avoir, c'est quelque chose que je suis très fier de l'avoir. J'imagine bien. C'est une... Et le SUV, parce que là c'est quand même la tache noire de ce que vous proposez, on est sur uniquement des SUV. Est-ce que vous n'avez pas peur un petit peu des... Oui, alors... Des verts qui roulent en Punto ou... Non, si vous voulez, on cherche à se diversifier. Là, on a une équipe de recherche et développement qui est sur le porte-gobelet pour les vélos, pour les poussettes. On est aussi sur le porte-gobelet écologique pour les trottinettes. Ok. Voilà, donc on a vraiment plusieurs pistes. On a même le porte-gobelet pour les animaux de compagnie qui va débarquer. Alors, ça s'appelle Greens and Dogs et c'est très très très très bien parti. Oui, je reprends juste la main parce que là il nous reste une minute avant de clore cette émission et allons directement au vif du sujet avec ce clash que vous avez pu avoir, ce buzz qu'il y a eu. On vous a vu porter un t-shirt chinois. Oui, alors ça c'est encore une fois c'est des gens qui veulent nuire à mon empire, à ma société. Vous niez. Ah bien sûr, Johnny, dites les faits. Est-ce que vous avez porté, oui ou non, un t-shirt de fabrication chinoise? Alors non, c'était pas un t-shirt de fabrication chinoise. Vous certifiez que non. C'était fabriqué à Taïwan, donc c'était pas chinois. Hein, c'est les différences déjà. Et par ailleurs, c'est moi-même qui l'avais fabriqué à Taïwan. C'est moi-même. Hein, et moi-même. C'est qui est moi-même? Je suis allé à Taïwan pour fabriquer ce t-shirt. Ah, voilà. C'est vous-même. Voilà, exactement. D'accord, exactement. Donc vous n'avez pas porté de t-shirt de fabrication chinoise, c'est ça? Jamais de ma vie. Très bien. Je le dis, les yeux dans les yeux. Les auditeurs me regardent. Il y a pas de souci. Vous le certifierez? Et au passage, j'étais pas venu ici pour qu'on ressorte les vieux dossiers et les choses. Écoutez, non, moi, mais je on trouve... est là aussi pour faire l'actualité, monsieur. Non, mais je trouve ça, excusez-moi, je trouve ça complètement scandaleux de venir ici. Je vous fais l'honneur, hein, de venir dans votre radio pourrie. Oui, je vous coupe votre micro, je suis désolé. Non, mais c'est fini maintenant. Monsieur Bichateau, vous sortez de merci, le studio. Vous on sortez passe du tout studio. De suite sortez, à Donna Summer et on se retrouve tout de suite après. Je ne peux plus vous voir. We'll be right back. Donna Summer, Néné Chérie. Il est là. 94.2, service compris. La matinale de Fadjet. 94.2, service compris. Les anecdotes de Rodolphe. On retourne directement à notre fil rouge en Nouvelle-Calédonie. Pour les auditeurs qui n'étaient pas là, nous avons un envoyé spécial directement qui est Serge Fula, qui est directement en direct à Nouméa le suivi de ce troisième référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Où êtes-vous, Serge, actuellement? Alors, pour le coup, je suis allé au conseil départemental de Nouméa. Hein, pour de vrai? Oui, j'y suis allé. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a un décalage horaire. Donc, c'était fermé, mais parce que ici il commence à faire tard. Hein, je sais pas quelle heure il est. Si vous voulez, en fait, donc les informations que j'ai eues, hein, qui sont de sources sûres, il va y avoir un nouveau référendum d'ici 2 semaines. Ce qui veut dire que, bon, j'imagine qu'on aura besoin de moi sur place pour faire le reportage. Donc, du coup. Peut-être que ça sera... Je sais pas si de votre côté, à Paris... Enfin, non, Steve, vous avez... Moi, je pense que le mieux, ça serait que je reste ici 2 semaines encore pour vraiment bien potasser le sujet. Hein, parce qu'en plus, je vais vous dire un truc, Tristan, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de corruption derrière tout ça ou un truc comme ça. Oui, non, mais... Non, je pense que c'est mieux que je reste. Non, vous pensez pas? Oui. Voilà, écoutez, on fait ça. Et à la prochaine émission, je vous ferai un nouveau topo et là, vraiment, on aura vraiment l'information directement. Hein, C'est du grand journalisme, hein, ce que c'est je fais. Jean-Claude grand... Narcy n'a qu'à bien se tenir. Je n'aurais pas dit journalisme, mais c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, restez à Nouméa. Au moins, on est tranquille pendant 2 semaines excellent. Sans vous. Même si c'est au frais d'un princesse. Du coup, je vais prendre un cocktail de... Oh. S'il vous plaît. Merci tout de suite. On passe... il est où celui-là? Il est où? Il est là. Il est où celui-là? Et cette émission, cette première émission de la matinale de 18h est finie. Ça s'est passé comment, les petits kikis? Ça s'est passé comment, James? C'était le meilleur pilote que j'ai fait depuis Alain Prost. C'est... Oh, elle est belle. Elle est dans la boîte, celle-là. Jocelyn Moi, je n'ai pas autant de répartie, mais je dirais que c'est du grand Fadjet. Du grand Fadjet, et c'est ce qu'on veut entendre sur les ondes de Fadjet. Merci pour cette première qui était complètement décalée, vous merci l'avez bien compris. Merci, merci. Et merci également à toi. On espère que c'est le dernier pilote avant l'enregistrement en direct. Reste à faire tous les beds maintenant, et puis après à trouver la fréquence de cette émission. 94.2, il est exactement 1h09 à l'émission de Fadjet. Des bisous à tout le monde, des bisous les kikis, au revoir. Au revoir, ciao. Au revoir. Ciao. Salut. Ciao.